Je me souviens de toutes ces années, en rond dans ma chambre à Manhattan, avec ma chérie et mes CD, mes cheveux longs et mon synthé. Aujourd'hui, tout a changé. Et dans 3 jours, je pars en tournée. Je vais chanter mon présent adoré. Mon présent adoré. J'ai tellement fait d'albums en pleurant, tellement de concerts dans des caves pourries. Mais aujourd'hui mes chansons sont reprises en chœur. Ouais. Je joue à Londres et fais battre ton cœur. La vie me sourit 10 ans après, mais je n'oublierai jamais mon passé. Je vais chanter mon présent adoré. Mon présent adoré. Présent adoré. Merci à tous. Et l'aventure ne fait que commencer. Bonsoir.